Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au jazz à côté normalement? Eh ben on a fini, qu'est-ce que tu veux? Une fois que j'ai fini, moi, tu sais. J'ai plus rien à faire après. Et vous le retrouverez après pour les chansons grecques. Non. Là, je... Ah, tu t'arrêtes là? Je pense que c'est... J'aurais plus de difficultés à parler de quelque chose, du coup. D'accord. Parce qu'il y a une programmation avec de la trompette, je me demande qui a choisi. Voilà. C'est sûr. Hein. Bon, de toute façon, les auditeurs s'en moquent un peu. Donc on va... Oui, je pense. On va dire encore bonsoir à notre invité, Frédéric. Rebonsoir. Vous êtes conteur. On a déjà dit tout à l'heure. Ouais. Donc on va s'intéresser à cette passion, ce métier, cette activité. C'est les trois à la fois. Oui, c'est j'ai la chance de faire un métier que j'aime, qui me passionne et qui me fait vivre. Donc c'est vrai que c'est une chance d'avoir rencontré cet art-là et de d'avoir pu en faire. Ça fait combien de temps que vous l'avez rencontré? J'ai rencontré le comte en 93-94. Je vivais en Nouvelle-Calédonie. Oui. Vous avez vécu 2 ans? Voilà. Vous avez une petite fiche. Une toute petite. Il prépare toujours. J'ai vu tout à l'heure. C'est un test, en fait, c'est un contrôle, voir si vous savez bien qui vous êtes. Donc, alors, si je me trompe, vous me direz. Oui. Oui, j'ai vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie, j'étais objecteur là-bas. Et, excusez-moi, ouais. C'est quoi un objecteur? Objecteur de conscience? Oui, bah oui, ça n'existe plus. Ah bah non, il n'y a plus d'armée maintenant. Oui, à l'époque, on pouvait faire le choix de ne pas être militaire, mais de faire un service civil auprès d'une association. Voilà. Et donc, moi, je me suis arrangé pour faire ça en Nouvelle-Calédonie. C'est dommage, hein, quand même. C'est ça, pas être très agréable d'aller dans un petit trou perdu, vrai, voilà, mille avec les cocotiers. C'est vrai. Il faut aimer. Oui. Et donc j'étais documentaliste dans un collège, Kanak, bon, qui avait été mis en place par les Kanaks. Et la famille qui m'accueillait, le père de la famille était conteur, et donc voilà, c'est lui qui m'a initié au conte. Saulo Eloa. Voilà, lui-même. Mais comment on initie au conte, en fait? C'est quoi? C'est la façon de le construire, la façon de le raconter, prendre certaines postures, le langage, comment le construire, je vois pas. Alors, pour moi, quand j'ai découvert le conte là-bas, je croyais que c'était mort en France. Je pensais pas que des gens pouvaient raconter encore quelque part, ou en vivre même. Et donc, j'étais fasciné par cet art que je croyais disparu. Et lui m'a vraiment montré la vivacité du conte. Il m'expliquait le pourquoi on racontait ces histoires, à qui, à quel moment, et l'intérêt de ces histoires, et puis la variété des contes, les différentes versions qu'il pouvait connaître ou qu'il avait pu rencontrer. Et c'est des choses que j'ai retrouvées beaucoup plus tard, quand, de retour en France, je me suis lancé dans ce métier-là, quoi. Et quand vous êtes revenu en France, vous êtes revenu à Paris. C'est ça. Ça fait contraste, non? Nouvelle-Calédonie-Paris. J'avais un grand besoin de d'être entouré d'architecture ancienne. C'est-à-dire, en Nouvelle-Calédonie, l'architecture, c'est beaucoup de cases, au moins pour l'île d'Ouvéa, là où j'étais. Et puis, sur Nouméa, il y a des maisons un peu plus anciennes, mais c'est jamais très ancien. Et j'avais un besoin d'aller dans les musées, d'aller voir et d'être entouré de choses anciennes. Et donc, au lieu de retourner sur Nantes, là où j'avais fait mes études, je suis allé à Paris. Une question. Oui, c'était pour savoir à quel âge, en fait, on vous a appris, on vous a initié. J'avais 24-25 ans. Voilà, et à l'époque, sur place, je pensais pas du tout pouvoir en faire quelque chose de retour en France. Et ça a été facile de s'y mettre, en fait? Alors, ça a été assez long pour apprendre ce métier. Et. il a fallu que je me coltine un public, quoi, hein, parce que c'est vraiment là où on apprend ce métier-là. On peut travailler une histoire, l'apprendre, écrire l'histoire, la réécrire, mais c'est vraiment un travail qui se fait, qui se découvre en rapport avec le public. Est-ce que déjà à la base vous aimiez raconter, vous mettre en scène? Alors, parler. Je l'avais peu fait. J'avais fait un peu de théâtre quand j'étais étudiant. J'avais fait une année de théâtre. Voilà, j'aimais bien ce rapport à la scène, mais je pensais pas en faire un jour quelque chose. Mais comment on fait pour vivre quand on est comte en France? Comme ça, quand on compte, parce que c'est pas évident. Déjà, je vois, enfin, en musique ou en peinture ou tout ça, c'est pas évident d'avoir des dates ou des expos. Oui, donc. Oui. Alors, par rapport à la peinture, on a l'intermittence. Mmh. Et ça, c'est quand même. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est. Bah, c'est vraiment un statut qui correspond c'est à notre plus, façon de créer, de vivre. Voilà. Et puis, par rapport aux musiciens, le conteur est seul sur scène, donc c'est déjà plus facile d'avoir une date. Ouais. Et puis, le cachet, il est pour nous. Il est pour tout seul. Oui, c'est sûr. Bon, j'ai quelques spectacles où on est deux. Hein. Je suis accompagné d'une accordéoniste sur deux spectacles. Mais voilà, au fur et à mesure, on se fait un peu un nom, et du coup, les gens nous appellent et nous demandent. Et c'est dans quel genre d'endroit que ça se passe? Ça peut se passer partout. Mais c'est la chance du compteur, il peut. C'est énorme, ça, c'est vrai, c'est génial. Non, mais parlez. Mais oui, ça prend un peu, tu fais comme ça. Oui, tu es. Oui, mais. Le compteur peut être peut travailler dans la rue, il peut travailler dans une bibliothèque, une école ou dans un théâtre. Un hôpital. Un hôpital, oui, bien sûr. Okay. Ouais, c'est drôlement bien. Vous trouvez pas ça génial? Ah bah, moi, ça m'éclate. Bon. Mais c'est un art qui correspond vraiment, je trouve, à notre à l'actualité des artistes qui, voilà, qui essaient de vivre. Et pour acquérir un public, ça met combien de temps à peu près? J'ai mis presque une dizaine d'années. Ouais. pour avoir un nom, quoi, pour que les gens fassent appel à moi et aient envie de me faire venir, moi, ou mes histoires. Enfin, voilà, mais... Comment ça marche, en fait? C'est les gens qui font appel Je travaille avec un agent, et donc... c'est lui qui cherche des dates pour moi et qui me les propose. Et c'est que des contes pour enfants que vous faites ou... Non, non, non. Je raconte pour enfants, je raconte même pour les tout-petits en crèche, à partir de 6 mois. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est au début, quand vous n'aviez pas d'agent, vous êtes allé dans certains endroits, vous vous êtes présenté, vous avez dit que vous aviez certains contes à raconter. Oui. Ils ont dit oui, ok, allez-y. Vous avez commencé gratuitement? Ça s'est passé comment au début? C'était il y a peut-être longtemps. Mais... Parce que lancer, c'est vrai que c'est pas évident au final. Oui, c'est vraiment des histoires de rencontres. Mon premier contrat, je crois que c'était une bibliothécaire qui voilà, avec qui j'avais sympathisé et qui m'a fait confiance. Et puis ce jour-là, il y avait d'autres bibliothécaires là, et voilà, ça fait boule de neige. Ouais, oui, ça... Ah oui. Charles, fais pas cette tête. Pas de sous-entendu, s'il te plaît. Je sous-entends rien du tout. Non, il est un peu tordu. C'est tout le temps comme ça. Il faut en excuser. C'est trop tard, s'intégrer. Et est-ce que ça vous a pas effleuré? Parce qu'étant enfant, vous aviez bien déjà été spectateur. Ça vous avait jamais effleuré l'esprit, vous dire moi aussi je pourrais compter un jour? Mes souvenirs d'histoire, de contes, de conteurs, me sont revenus beaucoup plus tard. C'est pas du tout ça qui m'a amené vers ce métier-là. C'est vraiment cette rencontre avec Saulo Eloa et puis après d'autres conteurs, Henri Gougaud. Très particulièrement, avec qui vous avez créé quelque chose, non? Alors, c'est où sur votre fiche? C'est en bas à droite, Landry. C'est, en fait, Henri Gougaud a un atelier et j'ai suivi cet atelier pendant une année. Voilà. Des ateliers de... De compte. De compte. Ah tiens, ça, je savais même pas que ça existait. Hein. Oui, non plus. Bah, il faut bien se former un peu. Ouais, avoir un peu justement, se former, ça doit pas être facile, parce que ne serait-ce que trouver des ateliers, quoi. Je sais pas s'il y a des écoles de compte. Non, il n'y a pas d'école, mais c'est un tout petit milieu, hein, le compte. Ouais, hein, oui, comme je pense. C'est pas trop connu, c'est vrai, comme pour l'intégrer, ça n'a pas l'air d'être évident. Il y a beaucoup de compteurs. Alors, en professionnel en France, il y a, je crois, au dernier recensement, 800 compteurs. Ah, ça fait pas beaucoup. Plus tous les compteurs amateurs qui sont peut-être deux fois plus, ou peut-être trois fois plus. Il y a beaucoup d'associations de compteurs amateurs. Et est-ce qu'on s'inspire, justement, des autres comptes des autres compteurs et tout ça. Oui, bien sûr. Vous apprenez votre métier un peu plus chaque jour? Forcément. Oui, et en racontant et en allant écouter d'autres conteurs, oui, bien sûr. Et justement, c'est quoi un bon conteur pour vous? Les qualités d'un conteur. Ah, c'est une bonne question. Ça. La question piège. Alors, qu'est-ce qu'un bon conteur? Pour moi, le bon conteur, c'est celui qui parvient à tenir en haleine son public. Voilà. Et tout ce qu'on met en place pour raconter une histoire va dans ce sens-là, c'est-à-dire de toujours tenir en haleine, de jamais lâcher son public et que jamais le public nous lâche. Et pour ça, vous utilisez des accessoires, je ne sais pas. Non, pas du tout. Justement, le compteur est très nu. Ouais, enfin, nu, oui. Oui. On s'entend. Voilà. Mais d'où vient l'inspiration? C'est comme ça, dans une nuit, on se réveille, on a l'inspiration? Non, alors bon. Oui, parce que alors, vous écrivez aussi. J'ai pas précisé tout. Oui, il y a deux choses. Il y a les contes traditionnels, qui sont des contes qui ont été transmis de bouche à oreille depuis la nuit des temps. Personne ne sait dire d'où viennent ces histoires, comment elles ont été transmises, gardées, pourquoi telle ou telle histoire est restée plutôt que telle autre. Voilà. C'est des standards, en fait. C'est un peu des standards. Ceux qu'on garde, qu'on retrouve chez chaque compteur. On pourrait dire ça, bien sûr. Et si on reprend les mêmes comptes, en quoi c'est différent d'un compteur à l'autre? Chacun, voilà, c'est un peu comme le jazz. Il y a une trame. Et le conteur va nourrir cette trame avec son univers, sa sensibilité, ses images, sa façon de son adresse au public, la façon dont il a de bouger son corps. Voilà. Chacun va avoir une particularité, des particularités. Et, en fait, c'est comme un squelette et on rajoute... Exactement, on met la chair autour, la peau, la viande, voilà. Quelle métaphore, hein. C'était plus joli avec le jazz. Et sinon, vous écrivez personnellement d'autres... Alors voilà, moi j'ai commencé par raconter des contes traditionnels. Et puis, suite à ma rencontre avec Henri Gougaud, j'ai vraiment eu envie d'écrire mes textes. Apparemment, plus pour adultes. Et plus pour adultes. Disons, pour enfants à partir de 9 ou 12 ans, ça dépend un peu des spectacles. Voilà. Et qu'est-ce qui est plus intéressant? Faire la production entière ou se servir d'une trame? Alors, ce sont deux plaisirs vraiment différents. Là, j'ai dernièrement beaucoup raconté les contes, les histoires que j'ai écrites. Et très récemment, j'ai dû raconter des contes traditionnels. Noël approchant, voilà, les gens ont envie de contes trad un peu. Et c'est vraiment un autre plaisir, mais c'est un grand plaisir aussi de donner ces contes-là, des contes que beaucoup connaissent, mais on arrive à tenir en haleine les gens, même s'ils connaissent l'histoire. On dit que les publics les plus durs, c'est souvent les plus petits, en fait, les plus jeunes. Parce que ça, la, ça, à la fois ils rentrent dans le truc, mais si ça leur plaît pas, bon, ah, ça oui. sent tout de suite quoi. Ça c'est clair. Donc, oui. J'ai commencé par les 6-12, et puis j'ai appris qu'on pouvait raconter au bébé, au tout petit, et j'ai vraiment voulu essayer ça pour voir, ça me paraissait impossible. Et donc je me suis bien planté les premières fois, parce que les petits bouts de choux se lèvent, ils écoutent en tapant avec un chien, en se levant, dansant, en vous montant sur les genoux, sur les épaules. Enfin, voilà. Et donc il a fallu que je cadre beaucoup avec les tout-petits, mes histoires. Mais une fois que j'ai eu dépassé ça avec les tout-petits, j'ai eu envie de raconter aux adultes. Mais j'aurais pas pu raconter aux adultes si j'avais pas fait cette expérience des tout-petits. Avec les petits, ouais. Ouais. Pour moi, les adultes étaient plus impressionnants que les enfants. Ah ouais ? Oui. Et mais ça, c'est très personnel. C'est-à-dire, d'autres conteurs disent exactement le contraire. Par rapport à quoi ? Peut-être par rapport à un jugement du public ? Pour les adultes, oui. Ouais. Oui, oui. On se moque de moi. Non, c'est exactement ça, c'est le regard de l'autre. Et pour les enfants, pour les gens qui ont peur de raconter aux enfants, c'est vraiment la peur d'être débordé par le groupe d'enfants qui peut... Pas maîtriser... Oui, c'est ça. En tout cas, moi, c'est les retours que j'ai des conteurs qui ont cette difficulté-là, ou qui ont eu cette difficulté-là. Ça doit prendre une énergie quand même considérable, hein, les petits, parce que... Oui, mais ils le rendent tout de suite, parce qu'ils rentrent tout de suite dans l'histoire. On pose une image, ils sont dedans, quoi. Ils sont dedans, hein. Ouais. Bah, ils ont l'imagination qui... Oui, oui, qui s'y prête, quoi. Il n'y a pas de barrière, c'est vraiment... C'est vrai que les grands, du coup, de ce point-là, ça va être plus dur du fait qu'un... Comme ils ont plus d'expérience, peut-être qu'ils sont plus durs à... Plus critiques. À ouvrir au niveau de l'esprit, je pense. Comment dire ? Il faut faire sauter le bouchon de la raison. Alors, ça peut être par... C'est-à-dire qu'ils se laissent porter, qu'ils arrêtent d'intellectualiser ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, la plupart du public des conteurs connaissent le conte et donc viennent là, savent quel plaisir ils vont y trouver, donc ils n'ont pas du tout ce bouchon à faire sauter. Mais très souvent, il y a des gens qui amènent des potes à eux, qui ne connaissent pas le conte, qui ont plein d'a priori, qui croient que c'est réservé aux gamins. Et donc, ils arrivent dans la séance en étant sur la réserve. Presque réfractaire même. Oui, parfois, oui. Et donc, il faut ruser avec ces gens-là pour les faire tomber dedans, quoi. Voilà. Bon, du coup, ça devient intéressant aussi. Oui, oui, oui, parce que du coup, il y a quelque chose d'un combat, enfin... Oui. Toute mesure gardée. Quand vous écrivez, oui. Vous-même, oui. Vous laissez porter ou alors vous réfléchissez à un message à faire passer et comment le faire parvenir avec une histoire ? Ou alors vous laissez porter... on va dire vers la fin ou pendant, vous vous rendez compte de ce que vous voulez faire ? Ça se passe pas comme ça. D'accord, expliquez-nous alors. La première chose, c'est une image. Je pars, me vient une image, et une image qui me marque comme un symbole. Voilà. Tout d'un coup, ça peut m'arriver n'importe quand. J'ai comme ça une image symbolique qui me vient et qui est très forte. Et je pars de cette image pour raconter l'histoire qui est sous-entendue dans cette image. Alors pour donner un exemple, parce que c'est pas très précis ce que je dis là, pour le spectacle que j'ai écrit dernièrement, qu'on a pas mal tourné, qui s'appelle Le Grand Merdier, je suis parti des gens de mon village, de l'image des gens de mon village qui descendaient dans les entrailles de la terre pour aller trouver Dieu. Voilà. Et j'ai eu un jour cette image qui m'a profondément marqué, et que j'ai trouvé juste, voilà, juste avec ce que je porte ou ce que je ressens du monde, ou, voilà. Et donc j'en ai fait le grand merdier. Mais c'est cette image qui me porte, et voilà. Mais vous laissez porter après par cette image pour écrire. Après, il faut développer cette image, c'est-à-dire ouais. il faut en faire quelque chose, il faut qu'il y ait un récit, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc les questions par rapport au grand merdier, les questions qui sont venues suite à cette image, c'était pourquoi les gens vont descendre dans les entrailles de la terre pour aller trouver Dieu. Mmh. Et là, après, je me suis laissé bercer parce que m'offrait la vie, quoi. Voilà, il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont apporté les réponses à ces questions-là. Voilà. Ça permet de créer un cheminement jusqu'à l'objectif, en fait, si on veut. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir raconter quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait un chemin à suivre. Oui, et la durée d'un conte, alors, ça peut... Je pense que c'est variable, mais... Oui, alors, pour adultes, c'est une heure et quart, parfois une heure et demie, voilà. Et pour enfants, c'est 50 minutes. Pour les tout-petits, une demi-heure. 50 minutes, c'est déjà pas mal. Mmh. Ouais, pour les petits, il faut les tenir quand même. 50 minutes. Une fois qu'ils sont rentrés dedans, bon, ça va. Oui, c'est ça. Quand ils sautent partout pendant 50 minutes, ça doit être quand même quelque chose. Moi, je suis étonné quand vous parlez du grand merdier, parce que l'affiche, vous avez fait l'illustration. C'est une botte rouge. Oui. Puis il y a Fossi, drapeau rouge. Moi, je crois que c'était sur le communisme en Italie. Et alors, après, la botte italienne, la botte italienne est dans l'autre sens. Ah oui. Mais enfin, voilà, à travers. Ouais, il a raison, Charles. Et par ailleurs, le centre, un des centres de ce spectacle, ce sont les usines à chaussures de mon village de naissance. Ça explique. Voilà, ce qui explique. Bien. Si on faisait une pause entre guillemets musicale entre guillemets, Laurent fait oui entre guillemets musicale, parce que c'est Laurent qui l'a créé. Alors tu vas nous en parler un petit peu, sinon on va être surpris et il faut profiter des leçons de Flypie qui est venu la dernière fois, qui nous a dit il faut pas balancer la nouveauté comme ça. Quand tu veux parler à quelqu'un, tu dis hey, assieds-toi sur une chaise, respire, je vais t'expliquer. Voilà, c'était ces mots et on va faire pareil. Alors, bonsoir. Bonsoir, t'es en retard. Alors... oui, je suis en train de juste de balancer. Si, ça va recommencer la prochaine fois. Ouais, bon, c'est que la sixième ou septième fois. Alors, donc, le morceau qui arrive, bon, c'est pas forcément de la musique. C'est... quand on crée avec mes amis, on a trouvé un aphorisme, voilà, qui est la musique n'est que prétexte de la vibration. Donc j'espère que ça gênera pas ceux qui veulent des mélodies ou des harmonies et tout, parce que c'est pas trop ça qu'on travaille en fait. Alors le morceau en fait s'appelle Un Lata chez les super singes, et il est composé en trois parties. Alors la première partie, justement, s'il y a un rapport, elle s'appelle La comptine de l'oncle Sam. Et en fait, c'est Chouchou, la comptine de l'oncle Sam. Parce que j'avais vu que, bon, chez un auteur connu, que compter, en fait, ça se disait, le verbe compter avec les nombres et compter. Voilà. Oui, c'est la même racine. Ouais, et dans plein de langues, apparemment. Ouais. Bon, ça m'avait parlé, et puis du coup ça avait donné ce titre. Et après, la deuxième partie du morceau, ça s'appelle Les Néo-Bonnes Nouvelles, qui en fait, j'ai repris une partie, enfin je vais pas trop détailler non plus, mais j'ai repris une partie des évangiles et je me suis amusé à la réécrire. Et la troisième partie, c'est Coma Amok, qui est inspiré par voilà, Coma. Qui est inspiré, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Et donc colère pataxifolia. Oui, voilà. Et tu parlais de tes amis, c'est Damien, Sébastien, Clément, Philippe, et tous ceux qui sont passés avant aussi. Beaucoup d'amis. Bon, on écoute ça. Eh ben oui, bon courage. Mais il faut rien faire en même temps. Faut ça, faut écouter simplement. Ne pas faire la vaisselle comme tu dis. Yeah. Ceci est le cri d'une reine de fourmis moissonneuses qui vient d'être emprisonnée. Voici de retour sur... Ah, il terminait. Ah, ça a été... Bon, bah, on est de retour sur Indiesis, alors. Oui, bonsoir, vous écoutez Indiesis. On peut parler un petit peu des spectacles que vous faites régulièrement. Oui. Oui, parce que déjà, on a parlé tout à l'heure de... On m'a pris ma fiche. Le grand merdier. Du grand merdier. Original. Vous faites souvent des représentations. Oui, oui, oui, ben, on va... On va jouer au Grand Rond au mois de mars, la semaine du 11, je crois, du 11 mars. On mettra, de toute façon, régulièrement, envoyez-nous les infos pour qu'on les mette sur le site internet d'Indiesis. D'accord. Les auditeurs iront sur Indiesis, ils trouveront toutes les infos sur les vos prochaines représentations. Spectacle, voilà. Ça voilà. Et je voulais dire, je sais plus du tout. Charles voulait dire quelque chose tout à l'heure. Ah bon? Je savais pas. Ah, ça me fait plaisir. Si on a besoin d'un compteur, on peut vous contacter. Bien sûr. Moi, je m'efforce de répondre à l'envie des gens. Après, si des gens parfois ont des demandes particulières, si je vois que je ne peux pas répondre, je peux les diriger vers d'autres compteurs. Bien sûr. Et on peut vous contacter par email ou par téléphone. Oui, bien sûr. Adresse email, je peux la donner. Bien sûr. Alors Fred, fred.naud@yahoo.fr. Sinon, votre numéro de téléphone, c'est 06 85 03 24 22. Je répète, 06 85 03 24 22. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Moi, si, effectivement, j'avais une question, mais ça me faisait plaisir tout à l'heure de te laisser tout seul. Je me demandais, les comptes, y a pas de... Enfin, ouais, je sais pas comment poser la question. De style, je veux dire... Bon, pour prendre un exemple complètement barré, il n'y a pas des contes, par exemple, de science-fiction, enfin, comme le film, vous voyez, comme les cinémas, vous voyez y a... Si, si, il y a des conteurs qui sont spécialisés dans des types d'histoires. Et alors, ça peut être le conte trad, les contes les plus connus, ça peut être aussi par géographie, hein, le conte africain, voilà. Et puis ça peut être le conte fantastique aussi ou des histoires de science-fiction. Je ne connais pas de conteur qui raconte ça, mais ça doit exister. Ça doit exister, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et comment ça se passe quand vous êtes en duo avec l'accordéoniste? Alors, comment ça se passe? Elle joue de l'accordéon, je raconte, mais elle est comédienne. Il se poêle. Parce qu'on se moque de... Un peu de calme. On se moque de moi. Là, ce soir, oui. Il manque plus que l'image, hein, bon. Donc sur Le Grand Merdier, je raconte avec Jeanne Videau, qui est accordéoniste, mais qui est comédienne aussi. Et donc elle m'accompagne, elle raconte avec moi. Et on a écrit ce spectacle de façon à ce que la musique raconte autant que le langage. D'accord. Donc en fait, vous êtes, vous avez formé un duo complet, même un trio avec l'accordéon. Oui, c'est on a voulu penser notre spectacle comme ça. Voilà. Ouais. D'accord. Et ça y est, contagieux. Pardon. Ah oui, pardon. Vous jouez la musique est improvisée ou c'est... Non, la musique, pour Le Grand Merdier, c'est très écrit. D'accord. Très très écrit. Et vous placez comment vous prenez des partitions ou c'est quand même assez libre pour raconter comment? Non, j'écris les textes et puis la compositrice qui est Chloé Lacan travaille à partir de mes textes et on travaille en duo comme ça. D'accord. Merci. Ça vous dit de nous raconter quelque chose? Oui, c'est... De nous conter une petite histoire? Bon, Charles, tu sors. Non, mais c'est horrible quand c'est quelqu'un qui a un fou rire devant soi et qu'on veut parler dans une émission de radio. On n'a pas le temps. M'est venue l'histoire, c'est un conte que j'ai trouvé chez Grimm, hein, donc c'est un conte traditionnel. Voilà. Les frères Grimm, qui étaient allemands. Voilà. C'était donc deux frères qui étaient soldats du roi. L'aîné des deux frères était fort et courageux, il avait sur le poitrail plein de médailles qu'il avait gagnées pendant les batailles. Son cadet, lui, c'était un trouillard, un faiblard, dès qu'il entendait un coup de canon, il se cachait sous les feuilles mortes, derrière les vieux troncs. Or, le roi était vieux, il a décidé de ne plus faire la guerre. Il a demandé à ses ministres qu'on rassemble son armée, qu'on mette d'un côté les soldats les plus forts et les plus courageux, et de l'autre les soldats les plus faibles. Ceux-là, qu'on les renvoie chez eux, dit le roi. Mais pour les remercier de toutes ces années de guerre, je veux qu'on leur offre un petit morceau de pain et un bon bol de soupe. Et c'est ce qu'on fait. Les ministres mettent d'un côté les soldats les plus forts et les plus courageux pour les garder au palais, dans le royaume. Les trouillards, les faiblards, on les renvoie chez eux. Le cadet, le frère cadet, quand il arrive chez lui, son petit morceau de pain, son bon bol de soupe est avalé depuis longtemps. Il a faim. Chez lui, c'est une cabane avec derrière un jardinet. Mais quand il entre chez lui... Il n'y a que de la poussière, des toiles d'araignée, tout est sec. Il va dans son jardin il n'y a que des herbes folles, du lierre, des ronces. Il se dit, il faut que je me mette à l'ouvrage. Alors, il prend chez lui la vieille veste de velours noir qu'il utilisait autrefois pour faire ses travaux des champs. Et au fond d'une poche, il découvre quelques graines de betterave. Il se dit, je vais les semer, puis d'ici quelques mois, je pourrai manger de belles grosses betteraves. En attendant, je mangerai des châtaignes ou des glands.